10, 10, activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage deux fois. Garde-moi, chocolat. Non, ce sont mes chocolats. Non, ils ne sont pas à toi. Si. Non. De toute façon, il n'y en a plus. Garde-moi, chocolat. Non, ce sont mes chocolats. Non, ils ne sont pas à toi. Si. Non. De toute façon, il n'y en a plus.